Texte 4. Chagrin entre amis. Pour toutes ces belles histoires qui nous maintiennent en vie, pour toutes ces heures passées à rechercher l'oubli, quand on est seul parmi les autres et que les autres n'ont rien compris, ou simplement sont tous partis, te laissant seul avec ta vie. Tu revis ton histoire dans des boucles incessantes, des variantes infinies qui t'obsèdent et te hantent. Le tic-tac de l'horloge se transforme en prison. Tu te poses des questions, les yeux collés au plafond. J'ai pris le temps de me hâter pour effacer tout mon passé. J'ai tout laissé et rien perdu. J'ai oublié ce que j'ai vu. J'ai entendu ce que j'ai fait. J'ai imploré qu'on me pardonne et pardonné en galant homme. Crois-moi, l'ami. Ton histoire, c'est l'histoire de la vie. Reste pas là, pas ce soir, pas ici. Je connais des endroits où l'espoir est permis. On ira boire des coups jusqu'au bout de la nuit. Et tant mieux si de mots l'ivresse nous est donnée. On va se faire du bien. À grands coups d'amitié. Cette fille t'a fracassé comme on projette un verre. Tu te vois massacré en 1000 morceaux par terre. Ce soir, si tu me suis, on décrochera la lune. Je te dirai comment aimer nos infortunes. On clamera nos vies, ces histoires ordinaires qu'on écrit petit à petit au fil de nos galères. Si tu n'as pas d'envie, je te prêterai les miennes. Si tu n'as pas de mots, je t'en trouverai des centaines. Je connais bien cette putain qu'on appelle la détresse. Elle arrive sans maudire, accompagnée du pire. Elle débarque sans prévenir, et d'un coup la voilà. Bienvenue le cafard et les tonnes de pourquoi. Elle projette dans ta tête le film des beaux regrets, série B d'un passé périmé, dépassé. Tu voudrais arrêter la séance et mourir. Attends un peu avant d'envisager le pire. Crois-moi, l'ami, ton histoire, c'est l'histoire de la vie. Reste pas là, pas ce soir, pas ici. On s'en fout de savoir si c'est nous. Les pourquoi, les comment, on les laisse derrière nous. Et tant mieux si demain, on va mieux, on va bien. Ce qui compte maintenant, c'est d'aller vers l'avant. Cette nuit est à nous, mettons nos âmes en perse, que nos rires et chagrins sous la lune se déversent. À nous deux, tu verras, on baisera cette putain, et peut-être qu'en chemin, on ira à confesse. On lèvera nos verres jusqu'à toucher les cieux, on tendra nos mains trinquant avec les dieux. On refera un monde où tout n'est que lumière. On trouvera la force de transformer ces verres, ces bouts de toit brisés en 1000 morceaux par terre. Un à un, on les collera pour leur redonner chair. Et si ça suffit pas, on invitera le temps à s'asseoir avec nous, à passer en coup de vent. Ta tête sur mon épaule, je te laisserai pleurer. C'est sûr que moi aussi, j'aurai les yeux mouillés. Nos visages pleins de larmes et tous nos rêves en sang. On revivra nos drames en buvant et chantant.